Bonjour, bonjour, bonsoir, mes chers amis. Mbote lisusu. Nous voici encore pour notre énième rendez-vous concernant notre pays. Lélo, nous voici encore pour na ko zoa mwa ba actualité et tout me ka un peu ko commenter. Donc aujourd'hui, je suis venu avec une question. Oyo tout me ka ko répondre bisonyoso. Et tout y a un peu bas sentiment partisan. Tout y a moqué bas sentiment tribaux, bas sentiment de sang, bas sentiment de copinage, bas sentiment régionaux. Question toye nango lelo, ezali très simple. Congo, prévenir ou guérir? Je le répète, Congo, prévenir ou guérir? Topona entre nyonso mibale. Tokeba na mabe o ezali koya. Ou bien toluka ma tozela mabe e koma poto luka lobiko. Si j'ai très bien traduit à lingala. Mboka na biso Congo. Toke bapo na mabe o ezali ko ya to evite yango, ou bien to zela mabe e koma poto luka solution ya ko bika. Donc, yango na lobi na lopoto na français, Congo, prévenir ou guérir. Mes chers amis, na kosenga mingi na ba oyo balinga kangaite. Bo meka empe ko konjige ba effort. Bo yo kangai. Et par la suite, sur ce que je vais dire, vous pouvez me condamner. Bo koki ko sote mbala moko te. Bo yo ki nga nanu te. Bo sote mbala moko na conclusion. Yako finga, sans raison. Parce qu'au fait, ba tu ebele ba yebi sakangai, disons une partie, ba milouvori compris. Yo, o finga ka Félix, po nanini ba tu ba finga yote. Vous allez comprendre que na ba dire nanga makambo ya classe ya kebele. Ngai nazali ko détenir fonction moko public te. Ba oyo batanga kala liboso na biso ba yebisa biso on ne respecte pas ces bourreaux. Bato oyo bazali ko mériter respect, oyo bazali ko détenir ba fonction publique, ezali bato oyo bazali ko respecter peuple na bango. ezali bato oyo bazali kosala po na peuple na bango. Ezali bato oyo bakoki ko trahir peuple na bango te. Bango nde ba mérite respect. Mais bato oyo bazali ko boma peuple na bango na nzala. Bato oyo bazali ko kanga peuple na bango. Bato oyo bazali ko trahir mboka na bango. Bato oyo bazali ko détourner ba bien public. Bato oyo bazali ko décaisser trésor public. Mes chers amis, bo matabo kita. Bako mérite respect moko te panangai. Ça, je vous l'assure. Bako mérite respect moko te panangai. C'est politique. Bo matabo kita. Oyo professeur yande genini. Oui, naza professeur nambo kanabinote. Hélas, naza professeur nambo kanabinote. Naza professeur na batu oyo bazali kotangi sabiso. Na batu oyo basala science. Na batu oyo bazali ko detenir monopole ya science. Bango ne ba pesanga diploma. Na somité. Mouyaka zalate parmi ba professeur nangai. Moutabandundu azalate, moussoko azalate, congolais azalate, africain azalate. Vous comprenez? Donc, tout ce que j'ai dit concernant Batou Oyo, bazali kosala office, yaba dirigeant politique, nambo kanabiso, tout ce que j'ai dit pour eux, c'est scientifique, c'est politique. Ndenge na uti koloba na question na ngai, Congo, prévenir ou guérir. Na point liboso toko solola makambo oyo etali tribalisme na mboka na biso. Et na lobi yango tribalisme d'état. C'est-à-dire, ezali tribalisme ou ezali favorisé par ba oyo bazali ko assumer ba fonction ya l'état. En l'occurrence, oyo bazali ko benga soi-disant président de la République. Naroya ko lobela en deuxième position, makambo oyo etali ba élection. Je vois batou bazali ko bouger, ko kende ko s'enrôler na diaspora comme na Congo. Na ko lobela yango, et vous allez comprendre qu'il y a des choses oyo peut-être na sina loba yango. Na kati ya élection wana, na kategorize yango na deux parties. La première partie ezali opposition. La deuxième partie ezali ma candidat. Et je parlerai aussi ya pouvoir en place. En plus, na souka soki tozali na tan mingi, je parlerai de la diaspora congolaise et de l'élite congolaise. Ndenge na outi ko prévenir, s'il vous plaît, bo landangai. Et par la suite, jugez de vous-même ce qui boko landa makambunga na lobi ou bien boko landa ti. Tokota na point na biso aliboso oyo na outi ko loba tribalisme d'état. Nous savons très bien que na mboka na biso soki oyoki mutu azali koloba tribalisme na mboka na biso ezali te, les Congo sont unis, les Congolais sont unis plutôt, il n'y a pas de tribalisme. Mes chers amis, voyez Bake Mutuana, c'est un menteur ou un flatteur. Ou bien c'est une personne qui n'a pas d'outils, qui n'utilise pas la bonne méthode de comprendre la société. Mais biso tozui moi ngolu wana muke, yako zwa opportunité, yako yeba ba méthode d'observation d'une société, d'analyser les faits et d'en conclure. Ba conclusion de yango tozo ye la bino. Nambo kanabiso Congo, il y a de petits cas de tribalisme. Mingi, ce qui n'a lobby tribalisme d'État, tout banda qui komo na yango, mingi, na bande konabiso kasayen, et moi mouke bande konabiso ya bandundu. Vous allez voir, un Congolais originaire du Kasaï, je parle du Grand Kasaï. Moi, je ne parle pas de ces Kasaï qu'on a démantelés. Je parle du Grand Kasaï et du Grand Bandundu. Vous allez remarquer que Tango Tozali Kokola à l'époque de Mobutu, parce que moi, je suis né à l'époque de Mobutu, ce qui va nommer quelqu'un PDG, directeur, ministre, la personne a les droits, il y a que ça la équipe naïe. Et na bande konabiso di Grand Kasaï, et Grand Kasaï peut batonion sauter. Bande konabiso a Grand Kasaï le Louba. Ce qui va nommer le PDG, vous allez voir équipe mobimbati na sentinelle, na huissier ya porte. Ako tchaba Louba. Bande konabiso du Grand Kasaï, ce qui bazui au babenga ka Félix abenga ka cop, yaba voyage à l'étranger. Bande konabiso du Grand Kasaï Louba précisément, vous allez voir na cop anazui akotanda liste nyonso bande konaye ethnique. Je vous ai donné un jour un exemple de Madame Nzuzi Wambombo. À l'époque de Mobutu, Nzuzi Wambombo était ministre des Affaires sociales, si je ne me trompe pas. Madame Nzuzi Wambombo, na tangwana Congo aye kozwa contrat ya kotinda bato bakende kosala ba formation na Canada. Mingi na ngambo ya ba corps médical. Madame Nzuzi Wambombo attenda 200 personnes. Ko banda mutu ali boso. Tina mutu ya suka. Luba di Kasaï. Bakenda. Et parmi les 200 qui sont partis au Canada, bango pe ba bengi si ba ndeko mususu kasayen ba famille na bango yango bomoni ba ndeko na biso du grand kasai luba précisément ba tonda na mboka Canada. C'est madame Nzuzi Wambombo qui a favorisé ça. Naye ko zwa sous PDG Mukuna, je pense Mukuna Wambombo ya SNL, je pense. Lui envoyait chaque année au Canada plus de 100 luba azotinda bango. Okokota kuna te soko lobi chiluba te. Même lobi chiluba kombo na yo il faut ezala chibwa mutombo mbuyi. Voilà, kombo na yo il faut ezala wana pokota. Je connais une soukou qui travaille maintenant chez Félix comme conseillère principale. Elle a faufilé dans la liste wana. A changé kombo na ya longo li lettre moko et bandi ko sonne le kola mouluba. A koti na liste, elle s'est retrouvée au Canada. Et na Canada ndenga vanda ki na groupe de luba. Ba yeba ki teke moutou o aza mouta bandu ndo aza mousoukou. Juste ba yeko remarka ango na tango Félix a nommé conseillère. Voilà, Mobutu faisait tout pour que cette histoire de tribalisme est si là. Là, bravo à M. Mobutu. Et voilà maintenant Kabila fait tomber le pouvoir na Mutu ya Félix qui ne s'attendait pas. Ezalite ki makanisi na ye moko in ne s'attendait pas na pouvoir, mais background na ye, même na ndoto akoyi ko lotate un jour, akoyi ko koma président, même famille na ye na ndoto ya pamba ba lota jamais qu'un jour akoyi ko koma président. Et voilà, monsieur Kabila, pour nous punir na sinaloba yango, monsieur Kabila, apprécier pouvoir. Pouvoir Oyo a se préparé parce que de un mutu naye, ezala ki mutu moko akoyi ko préparer quelque chose te. De deux background naye, préparation moko te. Et voilà, il arrive au pouvoir. Il ne peut donner que o hasard nango. Muyibi. Lokuta ne na yebisa kabino parce qu'il appartient à un groupe de gens, Aden na bangweza Lokuta. Aden na bangweza sorcellerie Kindoki, comme vous le savez, Ndoki batu ya Ndoki, parmi batu ya Ndoki, Lokuta izana kati. Yango boyoka aka a bandeko wana baza bandoki, bandeko na bazala ka bandoki et bazala ka pe Lokuta, mais comment? Bosi bomona Ndoki o azana Lokuta te? Ndoki fo azana Lokuta te? Je vous ai demandé un jour, ma maman, pour tester ce que je suis en train de dire, parce que na observa yango. Pour tester ça, ma maman, nini oazo landanga maintenant tombe la moussapi. Que akoki koza na mwana na ye a bebe na ndako, alingo ke na wenze, alingo sala mwa kursu mwaka muke, ayebi sa voisine na ye, ou mukolo lupangu. Ndeko na biso ya Kasai. Talelanga mwana oyo na zoya. Nani atombola musapi? Ebo yebi sanga pourquoi boko yiko tika bana na bino ba bebete na bandeko na biso oyo. Pourquoi? Bozu réponse? Maintenant, M. Félix est en train de faire la politique oyo nazali ko benga politique ya toile d'araignée. Bon, mon toile d'araignée, na sina lobela yango. Araignée na lingala c'est quoi, na ebiti. Bon, mon araignée atongaka ndako na ye, ezali ndako, mbala moko pe ezali piège, po alia. Alors, Félix Azali Kotonga, politique future ya toile d'araignée. Ça consiste à quoi? Azali, na toile d'araignée, na beaucoup na que toile d'araignée soit tongi, na cercle. Ezali entouré ba cercle ba singana ye wana, et na ba cercle na ezali entrecoupé par ba ligne, ou ezali koya na centre. Ye moko azali na centre. Et ça, au centre, c'est Félix. Ba cercle wana na ba ligne wana ya toile d'araignée. Qu'est-ce que Félix fait? Félix azali ko nommé ba ndeko na ye. Félix azali ko nommé ba ndeko na ye. Na yebite soki na koyi ko meka ko dessiner yango pour vous donner une petite idée ya de quoi je parle pour na politique oyo ya mabe. Il y a toile d'araignée. Nazali dessinateur ya malamu te. Voilà. Voilà, disons ça. Voilà, mes chers amis. Oezali, considérons toile d'araignée za la kaboyi. Ye moko araignée azali na kati place na cheboule noire na kati au centre. Ye moko araignée azali wana. Alors, qu'est-ce que Félix fait? Ça c'est le Congo. Félix azali ko représente yango na toile d'araignée. Ceux qui vont lire notre prochain livre boko mona yango, azali ko constituer une politique de toile d'araignée, azali ko nommer Naba point. Naba point nyonso o boboni na tche ba tache ya noir. Ba point oyo na tche ba tache wana. Félix Azali, ezali o considéré comme Congo. Félix a fait quoi? Il nomme, wana ezali ba point stratégique ya gouvernance ya mboka na biso. Ba PDG, ba ministre, ba procureur, c'est-à-dire ceux qui prennent des décisions pour le pays. Félix azali ko nommé nos frères et sœurs Luba. Azali ko nommé bango na diplomatie. Ba ambassadeur azali ko nommé bango. Ye moko azali na kati. Ça signifie quoi? Ça signifie en cas de problème. Ce sont ces gens-là qui vont prendre des décisions. Et ces décisions seront des décisions tribales, des décisions ethniques pour le maintenir au pouvoir. Pour que le pouvoir éthique à la libella na bande konabiso luba. Félix peut tomber. Batunyoso oya nommé peuvent se réunir pour nous imposer un autre Félix à condition qu'il soit Kasayen Luba. Yango na bengi na prochain livre na biso et kozala na chapitre 6 je pense oui. La politique destructive de la toile d'araignée. Un peut tomber, les restes se réunissent pour le remplacer par un semblable. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Considérons que aujourd'hui Félix allait Mbouma, ce qui est probable. Félix mange un fruit, a eu constipation, est indié na invalidité. Un autre Congolais qui n'est pas Kasayen Luba vient prendre le pouvoir. Considérons M. Yombi devient président. M. Yombi n'est pas Luba. M. Yombi n'est pas du Kasayi. Vu le tribalisme de nos frères et sœurs Luba. Monsieur Yombi peut-être na cercle na ye pembeni akocha peut-être muluba moko mibale. Parce qu'il y aura cet équilibre régional autour de moi. Nakondima jamais environnement Oyo, Félix Atiki. Je vais nettoyer pour que l'équilibre régional est à la respecter. On peut voir, avoir un Luba ici, un Katangé ici, quelqu'un de l'Équateur ici, Nekongo ici, quelqu'un de Kivu ici, quelqu'un de Bandundu ici, quelqu'un du Congo oriental ici. Voilà. On ne peut pas voir cette structure presque louba de gouvernance. Alors, M. Yombi, c'est un exemple que je donne. M. Yombi a koluka à balayer, à remettre l'ordre. Et nos frères Luba, que Félix est en train de placer partout, vont crier à la chasse au Luba. Or, si vous regardez très bien de près, ils allaient chasser Naba Lubati. Ils allaient remettre de l'ordre. Vous savez, nos frères Kassayen Luba se comportent comme nos frères africains, Rwandais Tutsi, qui crient toujours aux victimes. Et pourtant, ils sont bourreaux eux-mêmes. C'est pour cela, ce que mon titre est Nabishon Alobi, prévenir ou guérir. To prévenir ma bé et comme la bisoté, ou bien to zela ma bé comme la biso, pour to luka solution yako bika. À vous de choisir. Mais moi je pense, si on avait des politiciens sérieux dans Mboka na biso, voici makambo oyo bako yiko satélé pour mettre fin. Faire une pression à Félix que le pays nous appartient tous. Si vous faites des nominations, vous n'êtes pas un empereur, même si vous étiez un empereur. Quand vous nommez, considérez l'équilibre régional. Le pape l'a dit. Le pape n'est pas congolais, le pape n'est pas Moyaka, le pape n'est pas de Bandundu, n'est pas de l'Équateur. Il a bien dit que ma nomination à Félix favorise ses frères tribales. Mais non, ma politicien Abisso et loko bazali ko luka ezali kaka pouvoir. Bazoye baté que Félix est en train de constituer ya ko piéger mboka. Bazoye bayangote, bango nezo concerné bangote, bango eloko ezo concerné bango pouvoir élection. Comme nous parlons des élections, revenons maintenant Toko Tanasige yabe élection, donc notre point 2. Bandeko mingi bazali ko sala confusion. Bandeko mingi bazali ko sala confusion. Mingi bandeko bavandi na diaspora. Mingi pe bandeko na biso diaspora na Europe. Quand on parle des élections, vous confondez des élections françaises, par exemple, des élections belges, des élections allemandes, des élections, voilà, bamboka na nyoso. Ou bien bandeko bavandi na diaspora au Canada, aux États-Unis, des élections canadiennes, des élections américaines. Ces élections sont différentes aux élections africaines. Mingi, aux soi-disant élections congolaises. Il n'y a rien de semblable. sauf les noms, élection. Rien de semblable. Chez nous, les élections sont organisées par la Commission nationale électorale. La Commission électorale nationale, comme vous le voulez. Le président de la République, depuis Joseph Kabila, fait pression pour que Moutounaïe azala président de la Commission électorale. À partir de ce moment, vous comprenez déjà l'intention où ils allaient dans Moutounaïe. Intention, ils allaient que, au cas où, même si l'élection ben, est allée chaotique, au cas où Moutoumoussou soit gagné, il faut placer Moutounaïe Oyo à renverser situation. Bon matabo kita. Parce que Kabila le sait très bien. Que les Congolais sont des peureux. Que les Congolais sont des naïfs. Que les Congolais n'ont pas cette maturité civique. Ça, c'est vrai. Oyo bozali komona na ba vidéo, bozali komona na ba discours, non, notre peuple est mature, peuple na biso, ba telema, peuple na biso, ils ont compris. C'est faux et archi faux. Le peuple congolais azali toujours na niveau, il y a Moyen-Âge. Peuple congolais azana na niveau, il y a maturité, civique de comprendre qu'est-ce que le pays. Congolais sont tout niés, mboka ezanini, oyo ka eloko makasi. Congo, eloko makasi. C'est tout. Congolais, azana na niveau à maturité, on a été de comprendre, de prendre responsabilité, d'assumer, de se lever, de dire oui, de dire non. Congolais, azana na niveau à maturité. Et ces politiciens ont compris et ba récupéré situation où il y a ignorance, il y a peuple na biso. Situation wana ya immaturité ya peuple na biso ba exploiter yango. Le président impose un président ya commission nationale ya élection. On a vu Nanga avec Kabila, on a vu Ngoïmoulunda avec Kabila. Et voilà maintenant Kadima. Kadima a été imposé par Félix. Hein, d'abord, Félix voulait que cette commission soit dirigée par un Louba. Félix a voulu que la justice congolaise soit dirigée par un Louba. Félix a voulu que la défense soit dirigée par un Louba. Félix a voulu que la police nationale soit dirigée par un Louba. Félix a voulu que l'ANR, l'Agence nationale de renseignement, soit dirigée par un Louba. Ba Congolais naïf, ba zoye bate, ba intention, il y a Félix. Parce que ebele entre biso bazali na ba outil. Ma méthode d'observation. Et là, c'est Zali faute na bangoti. On comprend, je l'ai dit la fois passée. Monsieur Kadima organise des élections, est en train d'organiser des élections. Enrôlement d'abord, Bozoyoka, ba cri. Moi, je vous ai dit, cette histoire, il y a ma photo. Dans ma carte d'électeur, Ezali intention, Ezali volonté. Il y a ma doublon. Lelo Bokondimanga, te Bokondimanga, dans le mois de janvier 2024, s'il y a élection, Bokondimanga Erwan. Tout est organisé pour que Félix reste au pouvoir. Tout est organisé pour que Félix reste au pouvoir. Nazali ko mituna au mois de janvier 2024 après ces soi-disant élections, je ne vois pas ces Congolais ou ces Congolaises qui vont se mettre debout pour réclamer le vrai résultat des élections. Félix a organisé nyonso pour que si ma contestation est allée à l'élection, ba kozwa décision pour un résultat final, bango nyonso bazali balouba. Le ministre des Finances qui va financer ces élections, c'est un louba. Au niveau de la justice, le procureur, si comment on l'appelle, qui va prendre la décision, il y a qu'à prononcer le résultat final à Zali Moulouba. Le commandant, il y a armée suprême, et Zali Yemoko président à Zali Moulouba. Le chef d'état-major qui va sécuriser ces élections, Azali Moulouba. Le général chargé de la police nationale qui va sécuriser ba urne, déroulement ya vote, Azali Moulouba. En ce moment ici, moi je ne vois pas que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau international, moi je ne vois pas l'institution contredire la communauté internationale bango bazelaka bino bosala bango bakolanda. Ils ne viendront pas vous dire non que ça la boité, non bango résultat. Il y a action na bino yango ba ndimaka yango balandaka. Aujourd'hui bato wana baza na logique ya bango ndenge na lobby ba élection na France, ba élection en Europe, ba élection na Amérique. Logique ya communauté internationale ezali bango, parce que quand on parle de la communauté internationale, on ne parle pas des Africains. On ne parle pas des Africains. Bato ba sala relation internationale ba yebi tango tozo tango sa ba étudiant sur la politique internationale. Tozo yo kaba débat sur demande, pression. Yako désiropaniser les relations internationales. Donc, donner accès aux relations internationales à Batonyoso. Tozo li komo nango. Natango tozo tanga. Pour ceux qui ont étudié en Europe, même en Afrique, partout, bah, oh, bah, tant à la relation internationale, les ouvrages que les professeurs utilisent, ce sont des ouvrages écrits par des Européens, par des Américains. En Afrique, en Amérique, en Europe, partout, les ouvrages qui sont utilisés en relation internationale sont des ouvrages écrit par des Européens, des Américains. Moi, il y a une année, je pense, il y a 4 ans, j'ai eu un problème avec mon université. Parce que avant, ma cour est banda, semestre est banda, au copé, sa cahier de charges na yo. Ma cour na yo ko pesa, quels sont les ouvrages que vous utilisez? J'ai influencé pour que j'utilise parmi mes ouvrages nangai les livres Yakulutu Nabiso Honoré Mbanda avec notre frère Patrick Mbeko. Mais j'ai eu des problèmes. J'ai eu des problèmes. Les dînes, Otobenga Kadoyen, le secrétaire général académique chez nous m'a posé la question. Ba otero baza ya wapi? Moi, je suis des Congolais. Je dis, bon, prof, Omoni, bon, oui, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de changer Yakocha? Mais, na senga ki argument scientifique, pourquoi na changer Yango? J'utilise, na semestre, au lieu de utiliser plus de 12 livres. Parmi les 12, ce sont des Européens, des Américains. Seulement un livre. N'a référé à Ngopé ma page Union Sauté. Juste quelques références. Pourquoi pas? Bon, voyons voir. Peut-être trimestre Rolanda. Alors, j'ai menacé. Soit Kourou Nazo, éliminé à mon avotangi sa Yangote. Voilà, c'est comme ça. Alors, ces gens-là, la communauté internationale, bakondima résultat oyo ba institution ba pesi. Bakondima ezala boyo ki kaka non, nous voulons la paix au Congo, nous voulons la négociation, la classe politique, réunissez-vous. Ce sont des blabla, ce sont des dires. Mais au fait, résultat oyo ba institution ba pesi, yango ba kolanda. À titre d'exemple, Nanga natango a lobby Félix Moutou a gagné. Or, tout le monde et la communauté internationale, Bayebay qui savent, c'est Fayulu qui avait gagné. Lelo Nanaza président du Congo. Quel est ce Congolais qui a accompagné Fayulu jusqu'à présent pour récupérer le pouvoir? Fayulu a dansé seul. Jusqu'à ce que Ayeko lâché, il a jeté l'éponge. Ayeko kota sous la logique, il y avait élection. Ces points-là nous amènent na section Yami Balé sur l'opposition en ce qui concerne les élections. Nazali kotou na question. Batou ya Fayulu. Batou ya Mouzitu. Batou ya Katumbi. Venez, asseyez-vous là. Bobenga bango ba vanda. Boya ko vanda. Asseyez-vous to mekampe kotou na mouki mwa ba question. Na lelo, je ne vois aucun supporter sur des élections. Il y a M. Fayulu qui vient me donner une réponse. Et là, on a kaka ma réponse, c'est Ali, prof, tika makambouana, tika moutema mabe. Moi, je pose une question concernant notre pays. Bino bozoi sanga tika moutema mabe, moutema mabe et outiwat. Donc, ce sont deux réponses, excusez-moi. Ce sont juste deux réponses que Batou, il y a Félix, va Milouvor, va Pesakabiso. Moutema Mabé, jaloux. Moutema Mabé, jaloux. J'ai posé et je continue de poser cette question. Batou, il y a Fayulu. Parce que la personne, na bangonyo son moutonazo, soit au sérieux. Pour ceux qui se sont prononcés, ce serait pas Fayulu. Les restes n'ont pas été sérieux. Je demande à Batouya Fayulu les pro-élections. Dites-moi, entre les élections de 2006 avec Bemba, les élections de 2011 avec Etienne Tshisekedi wa Mulumba, les élections de 2018 avec Fayulu Félix, qu'est-ce qui a changé? Sur le point technique et sur le point politique, qu'est-ce qui a changé? C'est le même format politique? Ce sont les mêmes intentions politiques? Garanti nini lelo Fayulu azanango. Pour dire, mes chers frères et sœurs, ce qui na 2011, na 2006, échoua qui avec Bemba, c'était à cause de ceci, cela. En 2011, échoua qui, pona boye. En 2018, nazu pouvoir te pona boye. Mais en 2023, Voici ce qui a changé. Des fondamentales. Voici ce qui a changé. C'est pour cela, dans une décision, n'a abandonné qu'au réclamer par résultat il y a 2018, n'a y'a qu'au zongle dans le processus il y a sika, parce que bah élément nouveau est allé et changé, qui me donne sécurité que bah élection et que les candidats malam et que ceux qui bah votent ngai résultat et que ça la prononcer ndenge bino bolobeli yango na ba urne. Aucun n'a pas failli le moutou mon côté. Aïe l'inga réponse. Ce que j'ai contacté, Bazoïb Sanga prof Tika Makambouana, me dit, vous jouez avec ce peuple ou bien Ndengenini. Même peuple est vraiment attaque aux alakaba naïf ou boy. Attaque aux alakabi yungu ya boy. Fayoulou veut seulement sa présence politique. Lelo na moni message moko ya Fayoulou na tche yango na page na biso. Excusez-moi, na zoluka yango, na tche yango na page na ngai, ya Facebook, voilà, c'est ça. Fayoulou dit ceci, je lis. Aujourd'hui, plus personne ne peut douter que M. Kadima et la CENI prépare l'implosion du pays à travers un nouveau hold-up électoral. 6 juin, les textes du point de presse de la COEL. Fayoulou à l'obiboy. C'est pas moi qui l'ai dit, Fayoulou na Twitter na ye. Na tweet na ye plutôt. Fayoulou à l'obi. Lelo moutou moko a koyi ko zala na doute te ke meshe kadima na seni bazali ko bongisa bo panzani ya mboka na biso na nzela ya ba election ya lokuta. Mes chers frères et sœurs congolais, nani azali zoba? Et la personne qui dit ça, nazo constater parce que batu msusu o kosi yango, c'est Fayoulou qui l'a dit yango yo, c'est Fayoulou qui l'a dit yango wana. Nani azali zoba? D'une part alobi kadima a préparé, azali ko préparer implosion ya pays na biso na ba élection à lokuta. D'autre part, il mobilise les siens tokene na ba élection. Il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Yango wana nazali na ba doute. Moi je ne suis pas contre Fayoulou parce que je le dis toujours que na batu nyonso bazali na politique ya mboka na biso o ba yebani. La personne que je veux prendre un peu au sérieux, c'est Fayoulou. Pourquoi? Parce que c'est la seule personne qui n'a pas trempé ses mains na ba kesi ya mboka na biso. Qui n'a pas détourné, qui n'a pas tué. Mais en ce qui concerne les décisions politiques, Fayoulou est un mauvais élève. Je dis bien la nuance bolanda yango maram. En ce qui concerne le sérieux, kozanga ko yiba, kozanga ko boma, Fayoulou azali le premier parmi ba politiciens oyo bazali prononcer o bayebani na mboka na biso. Mais à ce qui concerne les décisions politiques, Fayoulou est un mauvais élève. Ce qui est étudiant nanga, en tout cas, n'a pas pesa ye kote ya 2 sur 10. Voilà quelqu'un qui a cette virginité politique oyo tozali ko luka qui sont rares en Afrique. Batoloko la Fayoulou, ayibate, abomati, bazali rare na batu na biso basalaka politique. Au lieu de s'entourer avec des gens aussi qui sont sains, loko la ye politiquement, mais non, Il prend la décision de s'entourer avec Mozito. Il prend la décision de s'entourer avec tous, ce sont des voleurs, des criminels économiques. Comme si dans le Congo, na Congo, les Congolais qui sont sains, maboko pembe, bazati. À part Mouyibi, excusez-moi. À part Mouyibi, en quoi monsieur Mozito peut s'égaler à moi? En quoi? Kotanga? Non. Azame Mpembenite? Expérience en Moussala? Non. Azame Mpembenite? Batoubaye, ba Mozito juste Nathan Gizenga comme premier ministre. J'ai 20 ans d'expérience internationale. Batou ya boye na mboka na biso bazati. Moi je pense que si Fayulu était vraiment un bon décideur politique, il pouvait juste identifier les Congolais sains. Ils sont là, bazayi belé na diaspora tout comme na mboka na biso na Congo bazayi belé. Voilà, ils s'entourent na Miyibi. Mais ceux qui osent aller s'entourer na Miyibi, vous utilisez l'argent ya Miyibi. Yozanan, vous appelez Miyibi. Non, ya yibakate, ngana yibakate, mais sanctionner batu bazo, c'est comme Félix. Sur ce point-là, Fayulu et Félix bazandenge moko. Batu Félix balobi Félix a yibakate, azo yibate, mais non. Ba o bazo yiba, mbonge bungi oui. Nana zalaki place mbongo zalaki intel intel au sanctionné te mais yo posa mouyibi. Fayulu non Fayulu ayibakate oui c'est vrai ayibate mais il s'entoure avec des voleurs. Il utilise l'argent des voleurs. Ozanan reseller, ozape voleur. Mais non, je cherche un Fayuluste pro élection. Aya to vandanga na yeto solola. Qu'est-ce qui a changé pour que les lobos continuent toujours de mobiliser? Est-ce que au mois de janvier 2024, bato Fayulu boya ko benga sou peuple te boya ko songa biso, ba boto biso élection, ça c'est qui? Qui dit ça? Ce n'est pas Fayulu qui dit ça? Ça date de quand? Ça date d'aujourd'hui. Voilà, le 24, ça date d'hier. Date yangwana nasé. Yangwana nasé 24. Voilà, c'est Fayulu qui l'a dit. Alors, qu'est-ce que Fayulu attend pour prendre une autre direction des décisions politiques? Non, tellement il veut une présence politique, Azo Kendekak. Ayebike, Kadima, Akolekisaye, jamais. Mais Azo Kendekak. Nanazo Kosanani. Je vous ai dit un jour que Fayulu, au début, il était vraiment un pro Congolais, mais Fayulu a été acheté. C'est comme mettre un Tshisekedi wa Mulumba. Je vous dis, Fayulu a été acheté. Le lobo kondi manga te bofinga, problème est exacte, bofinga ngay. Mais lobi boko ye langa prof o mona ki na yo avant. Prof, prof o loba ki na yo. Na yebisi bino Fayulu a été acheté. Parce que ye moko d'une part a zolobe élection mabe, kadi ma préparé hold up électoral, d'une autre part a zon mobilisé toke na be élection. Nani a zoba. Bon, ça va réponse binomoko. Alors, comme on parle des élections, on a qui volaient, Nassisi volaient pouvoir, bas organisé nions pour que Fayulu ait le pouvoir, volaient opposition, je parlais de Fayulu, batuloko la ba Katumbi na batumsu swana o na yebi ba se prononcer. Vraiment pour moi bas on a crédit moroté. Katumbi, moi je n'interviens pas sur la nationalité de Katumbi. Parce que celui Katumbi aza congolais, bien que aza né d'un père Israël, d'une mère ezala congolaise, ezala zambienne, dès lors que Katumbi est congolais, il peut se présenter dans l'élection présidentielle. C'est un congolais. Mais eloko o nazali ko boya et pas ya Katumbi, Katumbi est un criminel économique. Katumbi mbongo na ye ya pêche, oui, azalaki na mbongo na ye ya pêche, mais mbongo ya pêche ya Katumbi, ezali ebele te na ndenge ekoma après avoir kokoma gouverneur ya Katanga. Ba fraude minier ebele Katumbi a orchestré. Et en plus, il y a ba fraude wana. Katumbi azali moto oyo capable te aujourd'hui quelque part ya ko discuter sur intérêt en mboka na biso. Katumbi n'est pas à la hauteur. Ba yango na zolo ba toti ka ba sentiment ya ba copinage, toti ka ba sentiment wana, toti ka ba ndeko, parce que ce sentiment ya biso ba congolais yango ezo boma biso. Sentiment tribal, sentiment ya makila, sentiment régional, sentiment ya copinage. Donc Katumbi soki apesi yo bisou pona yo bisou wana ya Katumbi apesi yo, Katumbi fo akoma président. Katumbi akabeli yo sak ya loso kopo a loso pona yo ko kabela na kabilo sak ya loso, Katumbi doit devenir président. Yango na moto ezo boma mboka na biso parce que au fait, ben étranger, oui, il y a un complot international contre les Congos. Mais ce complot international passe par des Congolais, le kola yo. Bon, moi, souvent, je ne commente pas trop en ce qui concerne le Rwanda. Ce que le Rwanda fait au Congo. Ce que le Rwanda fait, le Rwanda le fait à travers des Congolais. Si vraiment on éduque ces Congolais civiquement, politiquement, tu éduques ba Congolais wana, mupaya koya au côté la bisoté. Parce que avec Mobutu, pourquoi ba étranger ba yango au côté la bisoté? Mobutu a éduqué civiquement ba Zaïrois. Au trahir mboka na biso, au leki na mbeka. Voilà pourquoi à l'époque de Mobutu, Bazaïrois, Bazalaki na angélé, bako mekate. Bako mekate. Depuis que Mobutu est parti, Bakongolais, le koso ya mbongo, Rwanda soki ba bengi bango, ba pesi yo kaka $1,000. Congolais a te kimboka. Bouta la kaka, bijou ya pamba Katumbi a pesi. Moi je connais des Congolais. Naibi ba Congolaise. Azoa bisou, bisou, oyo bisou, physique bisou, azoa ya Katumbi. D'office Katumbi doit devenir président. Est-ce que mes chers amis, Katumbi a les niveaux? Parce que être un président de la République, c'est le leadership, c'est le manager principal, c'est multisectoriel. Il faut avoir une maîtrise, il faut avoir une expérience, il faut avoir une éducation, soit expérience et éducation combinées, patriotisme, nationalisme, soit moko nango meye kemba. Prenons un exemple, Katumbi seul, avec Joe Biden, dans un bureau, on discute des intérêts. Joe Biden a pour les intérêts de l'Amérique. Katumbi vient pour les intérêts du Congo. Mes chers amis, croyez-vous que Katumbi va faire face à Joe Biden, dire non? Mais non. Voilà pourquoi j'ai dit, ne considérez pas l'élection d'Europe, d'Amérique, l'élection d'Abisso. Ne considérez pas la présidence ya Europe, ya Amérique, na ya biso. Parce que na mboka na bango tout est sécurisé. Tout est structuré, sécurisé. Na mboka na biso, la tête doit être d'abord une tête béton. Ceux qui ont l'expérience aujourd'hui de discuter avec l'interne, avec l'externe, pour les intérêts en mboka na biso. Katumbi n'a pas cette expérience. Katumbi a été pêcheur, après gouverneur. Katumbi a kende ko discuter ben intérêt en mboka na biso epai wapi alonga. Bolimbisa ngai, moi si j'avais constaté que tout est bien réuni chez nous pour les élections, je me présenterai pour l'élection présidentielle. Parce que na lobaka yango na bombaka torse, moi je peux faire face na ba européen ba américain parce que na yibi bango to sala kana bango. Et ce n'est pas ici à vous étaler. Qu'est-ce que je défendis na musala na ngana banako sala face aux américains, face aux européens, face aux asiatiques et na jui résultat. Le moment venu to kobimisa yango na ba vidéo. Et j'ai une expérience de 20 ans. Moutou oa koui ko zana mboka na biso, ko guide mboka na biso, pour les 10 premières années. Moutou ane fwa zala makasi, aye ba la gestion. Ya relations internationales. Gestion à relations internationales, oh, nazo le beza gestion scientifique te a relations internationales, nazo le ba relation comme art, pratique. Les relations internationales. Quelqu'un qui a cette expérience d'être na ba ba mindele, na ba étranger, ko discuter na bango, ko zoa résultat o alingi. Ah oui. Ah oui. Mais est-ce que je peux m'azarder, à moins que dans l'aventurier, je vais m'azarder na situation, na environnement o toza nango, ya ba élection na mboka na biso avec Kadima. Tout le monde qui va décider, c'est Louba. Moi, je peux m'azarder, n'a qu'à nous proposer candidature, n'a pas qu'à comme président. Et ça, aventure, n'a qu'à nous boire comme bon, on a gagné la caution. N'a les boulou. Un Kadima, demain matin, Abima Boye, na télévision, élection, et Sili, bon, a été élu président de la République, M. Yombi. Même dans Ndoto, vous voyez qu'on dit Kadima, combo na Kadima. Ba opposant oyo bazo kosa biso bazo kosa bino parce que ngai na kosa makala suti poche azoba bakot sangoli boko deux fois te ba opposant oyo bazo kosa bino il vous utilise pour se maintenir politicien oh na otu balak sabino tweet ya Fayulu ngam na komi yango te Fayulu lui-même qui fait ses constats mais il se maintient toujours pour bande qu'on a dit sur ma congolais bakoufa. Excusez-moi. Alors, mes chers amis, Torosuka wapi na batouyo. Donc, les naïfs, c'est qui? Les naïfs, c'est les Congolais. Zoba nani, zoba Congolais. Zoba Congolais, yemoko. Et toke na point ya souka en ce qui concerne les élections, j'avais dit c'était Nanga. En tout cas, Kanda Moko. Mes chers amis, pouvez-vous croire aujourd'hui que Colonel Nanga se présente na l'élection présidentielle en Bokanabiso? Et aujourd'hui, Nanga vous dit Félix n'avait pas gagné. C'est pas moi qui l'ai dit. Yemoka lobby en gros qui na Jeune Afrique que Félix n'avait pas gagné les élections. Mais c'est Nanga qui nous a dit en 2019 que Félix a gagné des élections dans un pays sérieux. Nanga kozala na kachoté. Président de la commission électorale qui vous dit a pêché résultat, Chilombo a gagné des élections. Aujourd'hui, pour la cause de flatter les Congolais, il vient, il vous dit, Félix n'avait pas gagné des élections. Et il est libre. Et ba Congo... Kimbangwa Sunga, na l'Obama Bété. Kimbangwa Sunga, na l'Obama Bété. Po na lingai na l'Obama Bété. Ma bébé, le gars, il est en train de se faire. derrière Nanga, ba Congolais ba zali kolanda Nanga candidature apesi aki ko pesa candidature ba Congolais ba landi ye ba Congolais ba zo betele maboko Nanga futur président ya mboka na biso, le même Nanga qui a fait pleurer de gens, le même Nanga oyo a orchestré ba lokuta nyonso élection, le même Nanga aujourd'hui nos étudiants ne sont pas capables o bazali kotanga ba kende kotala ba bilete de vote, ba kende kotala comment est-ce que vote lekaki, ba kende koyeba qui a gagné ou impossible. Impossible. Biloko ya nyonso ba papier ya nyonso dinda na fleuve. Et c'est le même Nanga aujourd'hui na boutouté sans rire na moyi makasi Nanga ke ko déposer candidature pas comme président. Est libre. Kimbangu Sunga, pardon, Sunga. Mes chers amis, toujours que négocie ça, une heure déjà, na volé. Troisième volet, diaspora. Na lobango toujours, na répéta kayango, il semblerait qu'il faut le répéter à tout moment pour ba Congolais ba yoka ati. Na lobango bien, mes chers amis. Na tcholaka ba touté. Po ngai, na wuta na babola, na wuti na famille babola. Na koli na kibobola, na ibisa kabino. Moi, quand j'ai étudié, j'ai ba pantola ma dofo, lomi balé na sima. Nga tango na zo tango na troisième gradua. Ane mou bimba ya troisième gradua. Nga na zaki na triko moko. Triko moko ma boko mikuse. Ngai. Pantalon na sima ma dosu mi balé toboka. Na troisième gradua. Soulier nanga ina ete so na ko benga ngo soulier ou sandal. Et toboka liboso soki na zo tambola, mabele zo kota na kati. Soko longoli eloka liboso e fosu kula makolo po, mabele koti na kati donc. Na ebite soulier me koma sandal. Pendant une année na troisième gradua. Na zo kende classe université makolo. Mouta ko sunganga zala kite. Muto wa sunganga zala kite, mes chers amis. Nga na zo teka ba papier na wenza post. Lelo na teki papier, lobi na ke klas. Na ke na bandina nso yi klas wakure ko banda pre midi. Avant midi na ke teka papier. Apre midi na ke klas. So yi kure za mkurwana avant midi na ke klas. Na sisi mbala moko na lekali na wenza post na vil. Na ke teka papier. Batu bazo tulanga ozo teka papier ozo mbongo. Chaka mbongo wapi, pantalon moko. Triko moko. Non, nazo bomba po na futa Minerval. Nazo kende makolo. Nazo bomba na futa Minerval. Na yebi. Pasi o ezali bande kona biso ba kenda klase te. Nga na konda na kabango te. Paske na yebi souffrance wana. Ndeko te ya kofute langa Minerval. Famille, batikala na mboka. Seul, je dis bien seul, troisième gradua, nga na zo sa l'examen, na ebi sabino, ezali ma bete a koloba. Mais j'avais un frère, ba pembeni, apparenté na papa na biso, qui était gouverneur, vice-gouverneur de la Banque Centrale, monsieur Kikata Ngima. Vice-gouverneur de la Banque Centrale. S'il est devenu député héros abandonné au Benga Bango, ba commissaire d'État, c'est grâce na ba papa na biso na mboka ba influencer ba tona Bango ba groupement ba chef coutumier bo voteyer. Nga na kenda na papier duplicataire na koma na maboko na kenda na koma na maboko na bureau na Banque Centrale na kenda na bureau ki kata ngima na papier wana na koma. Defisanga $100. défi sanga $100 américains na futa minerval. Examen ça dans 3 jours. Donc, dans une semaine, na futi minerval te. Na ebi jour na ko défi so na ko zongi se la yote. Ki kata zali na papier wana. Défi sanga $100 américains na ko zongi se la yo, mais jour na ko zongi se na yebite. Ce que vous allez na vie, na ko zongi se la yo. So vous allez na vite, na ko luka même mwana na yo, na ko zongi sa yango. Un jour. Mais, défi sanga examen ça dans une semaine, na zan ambon wote. Sans réponse. Sans réponse. Examen lelo. Gana lamuki. Excusez-moi, mais bandeko. Ezabilo moko bandeko mingi balinga la boete. Ezabilo moko s'encourage bandeko oyo bazan espoir te. O batu balobaka bonga ingaite. Bonga ingaite na bamboka to vandi. Batu soki ba yoki, mutu andengo na experience ya ndengo wana. Bako yana bana na bango ba yeba. Oyebisa bana na bango, qu'est-ce que tu as fait pour devenir comme ça? Mais pas na biso na Congo, bonga ingaye. Bo, te, bonga ingaye te. Bonga ingaye yango etongi ba mboko to vandi. Ba yoki experience, ba yeko ko yeko la. O sala ki ndenge nini. Po biso pe, soki yeli biso, to sala ndengo wana. Kikata na pa repondi. Examen lelo na lamuki na tongo vers 5h. Kutu na lala ki te insomni mbongo ezate. Na zo rate kakaboye. Na lamuki. Kom mbongo ezate, mwenye na ken universite ezate. Po ba wako tsangate na sal examen. Na ken na vil na wenza post. Na tongo. Plan nanga izala ki na ken nikomo na un ami. Un vieux comme ça ki travaye na Petro Zaire. Na kene ko bonde la ye, a defi sanga. Nga na komi na vil na 6h. Mutu aliboso plaso ya na vandi. 6h na zana vil. Na beta ki makolo apatia ba 5h. Po na 7h30, er Petro Zaire zo fungula. Vye wana mona nga na porte. Po so ya koti deja, batu ya ba gardien na porte ba okoti sangati. Ifu na zala deja, er azo kota mona nga na solo la na ye. Me na koma ki avant, bon, tika na vana na wenza post, a partir ba 7h, na mataka deja ti na Petro Congo. Na, oui, na building a Petro Zaire. Na vandi na wenza post, ba 7h. Bata wenze ba bandi kuya. Na vandi, na ndeko moko, aute kukufa se mon ami, se mon frère, kowe. Kowe, to vandi. Mawa mingi ya. Ya venga soto baneko se takine mingi. Leki ya Tugre. Bandeko Anjili. Kartye 12, kartye 11. Bayebi. Bato Anjili. O basala balinga kabal. Bayebi ndeko mwa benga Tugre Sport. Azali nekipa bal. Tugre Sport. Leki na ye fidel komboda ye. Azali. Boke na quartier 11 ndako na bona quartier 11 na face ya école missioni. On s'est taquiné trop avec Fidel. Nga la vandi boye na wenze. Mutali boma zoya. Liboma bozoka liboma. Salité bilamba la tamanzanza mutwa liboma azoya. Fidel ala kisinga benga Patrick. Tala professeur na bino ye wana azoya ko luka yo. Je lui réponds non, a joindre ko lukayo po ayebi ke yo teka awa. Muto ali boma ye bato bateremi balinko kima. Aye li boso nanga na vanda kiboyi. Aye alobi nanga na zana mbongo pesanga mbongo. Mes chers amis, ce que je vous dis c'est vrai bo ke ko luka fidèle. Muto ali boma bato Patrick Kima na telemi na zulu ke espace po na kima po na simananga ba mesa ya wenzi. Na vanda ki na tabure ba pesa kinga. Na zana mbongo pesa nga mbongo. Na telemi na zulu kasiko mwaye na kima. Me na moni kesori na kimi ako yiko beta nga. Po asimba ki biloka ma bende na maboko. Akitisi li benda za haki na wane liboko atata. Na ye bite sika ni akotsa ki liboko na ye. Apesinga mbongo. Na moni papie ya dolar apesinga. d'office intuition moko yelinga na mesa ya na na mallette ya ndeko wana ko esika banai ko tia mbongo da fungoli mbongo o azalaki na ngoli kolwa na mona ki place chaki na zui na yebaki te combien na na pesi mutaliboma mutaliboma bandi mbango batu ba panzani na wenzi na fungula boye mbongo $100 américain ya sika afinaki finaki ya ngonde $100 américain bande ko je vous dis bande ko na wenza poste bazali bokende ba ko yebisa bino batu ba ye apesi mbongo apesi mbongo apesi $100 ndeko o afinga nga boyo kaka na Maroc Mohamed Mboyo soka zali sincère bande ndeko na ye ya mwasi ye muta bana iko change azaki changer na na wenze ya poste wana ye muta changanga mbongo na $100 bato wimesinga Patrick ozana kwa Minerval ko pesa biso le côté changer kende ko futa Minerval mes chers amis kaka na poste wana na zwa taxi na zwa taxi ti université na toki 8h30 examen lingesi la na ke na futi na yabo e na sal pour que ça ici mais examen lingesi la na pardon na ko expliquer sima bon ça va ba pesinga ba papier na lakisi ba reçu oui na koti ba pesinga ba papier na sal examen na souka na expliquer ba assistant professeur c'était le professeur Kinzonzi examen li bosso avec le professeur Kinzonzi ba assistant na ye bazali et d'ailleurs na porte le professeur o amona ki nga na biro ndenge na toki na zo expliquer bofasa ah pardon pas bofasa c'est qui le professeur le mathématicien ba ta faculté ya économie ya le professeur là ya math économique mulayi boye mwindu na bosa ni kombo na ye Azaki penda mwindo lokola Sénégalais mais mbinga moko na ndinga ko sakala te. Oui, professeur en maths économique. C'est lui qui est venu supplier na porte na basista ki nzonzi ba kota ngapo na futi déjà Minerval. Mes chers amis, Kikata est venu demander en quelque sorte pardon na tango na yoki pour na koma ki président membre ya comité ya étudiant impair na yeko yoka complot contre Kikata balongole na poste ya gouverneur ya vice gouverneur à banque bo face djema muta sala complot wana ba étudiant impair ba sala manifestation mobutu yoka ke Kikata zali vice président chargé idéologie mais azo s'occuper na ba étudiant impair te. Alors tolingi mobutu alongola ye batchang mutu mususu da comme vice gouverneur à banque nga batu ba yebaki teke na yebane Kikata na kenda na yebisa Kikata na kutana na ye te kaka boyebi batu na bango na ba porte na kota te o tika message to yebisa ye na tiki message ba ya boye ba yebisi aya ko luka nga vers ba minuit boyebi ka na mboka na biso na Congo na minuit tina njili na vanda boye bazola musanga na bima boye tala ba voiture Kikata ye kulukanga phrase na liboso mon petit nga na yebisaka yo ya kuvanda na ndako kuni pana ngai yo lingite uvandi awa chiko makambo boye na zomona donc nga na babo mangai yo nga leki na yo nga ya na yo na papa na yo na zali babo mangai yo tika nga na kufa nga bivie na yaki kuna pona yebisaka bakoti singati akota na voiture tokei n'expliquer nyonso. Kikata me dit na linko mona ba étudiant na réuni sa ba étudiant na ba université nyonso. Na kenako chaba ngo quelque part na lemba. Na moyi na ngo to na poko na ngo to kenda tina munga lema. Na pardon na ipen na ndako Kikata. Kikata ya. O na zo benga mobutu. Kikata na téléphone ta soki na mobutu soki na nani popo asiliki. Ba conseiller na ba chien non. Problème est ça. Yonde ba étudiant onde meka ko s'occuper na bango. Kikata pesa ngambongo na kabola ba étudiant na nyonso. na tongo na ngo jure landa ki yaka na biro zwa ba ram de papier o kabola bango na kabula na betina nyoso mouvement contre ikata ekufa voilà esika ki kata yaki ko komona ke j'étais important et France na yali ami balé le kinanga lettre au tindele nga pona banini na pesa ki deja mbongo a pointer conseiller na yemoko conseiller na ya fininga lesu elle mo conseiller pete yo yebi vie na yote a pesa nga mbongo anate nga na yebi yo bien pete a pesa nga mbongo na pesa yote. Mais ce vieux là autour de Kikata, bazanga ki $100 te, batanga ki lettre nanga. Vous comprenez? Donc, vie ou na se kakaba touti. Mais, mes chers amis, pourquoi ne évoquer problème ou? Et ça y est que na diaspora na biso, la plupart, ya batou bazo conseiller na diaspora na biso, ba ndeko ou bazo chance à aucune classe te. Ba chayer. La plupart. Po na Congo na biso batou batanga, bazo zela, basala ka ba demande d'emploi à 6 classe, azwa msala. Me ba oba tangati, mingi ba se plonja kana ba business kuluka luka. Bangonde batu bazwa kama tu mbongo na bango, e bango batu bakuta na kana batu oba batu angulu. Ba me mabango na poto. Mwa mbongo na hii azo chaye, azwi apesi mwa parisien, mwa kelke som, parisien amemiye na poto. Me ba oba tanga, mbongo pesa bazala kana ngote bazala kamisala. Voilà batu batondi ebele na diaspora na biso. Et ce sont eux qui dirigent la politique ya mboka na biso na diaspora. Bango soki balobi baninga na bango baya na bango bazolanda. Bazo ndimela bango. Et biso amso soki lobi non. Bazo bengo mitoman. Ah, mais na yebaka te nzoka nde j'ai découvert il y a de cela deux jours. Nzoka nde ba mitoman toza ebele. Na yuka kende kona biso Eric Mulalo. Butu moko ayebisika prof. Vanda na yo. Ebeke Eric Mulalo pe babenga ye mitoman. Oh. Donc, ce que j'ai compris mitoman nango, eza mutu o atanga, yango babenga ka mitoman o biendengeni. Parce que nga na yeba ki mitoman eza nga moko babenga ka. Batwa leki na biso yo, leki na biso komanda luketu. Soi ka ko lobi vérité ba bengio mitoman. Soko yena makambu ya classe ba bengio mitoman. Ngala yeba ke nazala nga moko nzoka nde Eric Mulalo pe ba benga ye mitoman. Bienvenue Eric Mulalo. Bienvenue na club ba mitoman. Voilà. Alors bande kona bazé belé na diaspora. Bota na diaspora ndenge bébé. Ba komisa yango cop ya kozwa ka ba mbongo ya ko pona bango eza vie na bango. Eza litute, mes chers amis, na configuration ya diaspora na biso ndenge ezali. Je vous dis, mutu mokote ko libere mboka na biso. Mokote. Mokote. Espoir na biso. Bon, na loba, po dangaye, la seule institution, entre guillemets, le seul regroupement, na diaspora o ekoyi ko salisa biso pona ko sikula mboka na biso c'est la parico na lobaka ngwa tout moment parce que la parico est bien structurée mindele bisika to kenda ka la communauté internationale ne coopère pas avec des individus locaux la yombe bo yomoko oyeli bango no tala na Congo bo ina na zuta sala bo na sala te yomoko te ça marche pas comme ça bako ndin bako yoka yote. Mais quand vous voyez un groupe bien structuré, le collab pareco, voilà. Voilà. Esika, Mindele, Balandaka. Je vous dirais que dans le cannabis en Afrique, personne ne peut faire un mouvement sans accord yabatouana. Ah oui, le monde, c'est comme ça. Tu peux changer comme si côté. Toko change yango, mais si koyote, il faut des gens pour to sorula yango, pour to changer. Mais en ce moment, ezali ndenge wana. Mais hélas, la pareko a été infiltrée avec Kuluto Honoré Ngbanda de Reze Mémoire. Ba nyoka bakota ki nakati ya pareko, périphétie ya pareko ba nyoka bazala ki ebele. Pour nanga lo bakango toujours il fallait Vie wana luka rapprochement nangai bien avant. Pona ya ko sali sa pariko, ba se débarrasser na ba nyoka. Mais nzambe peut-être azana ndenga bongisaka makamu na ye. Le VH aye ko zwa initiative ya ko luka batu loko la biso. Nzamba ye ba ike aya po aide a pareko po na ko ko se éliminer na ba nyoka. Oyo ba infiltra ki a pareko. Mais soye zalaka vraiment bien avant. 5 ans bien avant peut-être, quelques années bien avant. Ngai na ye banana, bon na ye ba ki ye mais aluka ngai rapprochement ndengwa na mbele ba nyoka na banda kalambe Kongo na biso ezaboyete. Kongo na biso ezaboyete. Bon, nzamba ye bindinga bongisa ki, mais je pense que connaissant la connaissant kunutu na biso ebamba oyo nazali ko mona oyo nazali ko yoka azali ko bunda makasi po na ko zongela dimension wana lokola kunutu na biso Nerengbanda azali toujours vivant. Merci à lui. Mikole koya, je pense que a pareko et ko sala moi makambo ndenge nazali ko yoka ndenge nazali ko pressentir. Nazali ko lobela makambo a pareko, ce n'est pas que nazo luka a pareko, non. Ngai ces histoires na kota kangoti. Mais c'est la seule structure au tozala mona diaspora. Oyo pe otali na structure wana oui, il y a des responsables. Le kola ndoyi na ngai Patrick Lukika. Ce sont des gens boyebi yango que à moins que osala vraiment ndoki, à moins que osala animer ya mauvais esprit pour douter de Patrick Lukika. Alors bande ko lokola ya Jovin, bande ko msusu o na yebi bangote, mais en tout cas je vois na leadership ya kulutu na biso ebamba tout ça va, mais eloko na kosenga na bango moi vitesse mata. Moi vitesse mata parce que ane oyo eza keba keba vitesse mata. Alors na souki sa na point ya ba élite na biso na lobango toujours ba élite na biso ko banga ba banga ka ko titi la ko voix fila ba élite na biso ko titi la ko voix fila. Mais je comprends pas, quelqu'un qui a étudié quand même, vous avez des outils pour vous libérer. Totanga ka oui, otangi po na yo moko famille na yo, mais na tango ozui makoki ya koyeba vérité sur mokili ndenge ezali, ne soyez pas égoïste. Utilisez vos connaissances pour libérer votre peuple. Mais ba élite na biso bazaba égoïste, ils étudient bazali na ba coin na bango esika basalaka na ba université na ba compagnie na ba industrie place basalaka. Les problèmes congolais ne les concernent pas. Pour bazozo peine na bango, bazozo li pa na bango, bazolia ba famille na bango baza bien, ba vandi ndako ezali, voiture ezali, salaire ezali. L'élite congolaise aya ko lamuka soki musale ezangi aye ko lamuka. Mais non, boza ba égoïste. Boza ba égoïste, la connaissance que vous avez acquise, utilisez ces connaissances pour libérer le pays. Okozanga musala na yo te parce que lobeli mboka na yo. Na lobela mboka na ngai me. Il y a des fois soki okeyi par exemple na boni wana. Il y a des gens ba oyebi sa yo ke, mais attention parce que avec l'ONI soki ozali un peu radical na opposition ba pays, parce que l'ONI c'est l'association des états. Club ya ba état. Alors yo kritikaka omoni ba eta soki ba lobi non la présence de cette personne to lingite ya kritikaka biso nga isa ka bango jamais na koloba yango toujours na okritiquer soki bolingi bolongolanga pe bolongolanga soki bolingi bolongolanga bolongolanga. Mais ya des fois surtout quand ça arrive que bazoluka mutu un spécialiste ya migration en Asie, ha, mes chers amis, soki komba yombi yete c'est que wana za lokuta. Ah, ma spécialiste ya migration nazi, so yi komba yombi yete, eza lokuta. Voilà, mes chers amis, eloko na linga yiko loba pona lelo, tozwi 1h30, merci mingi pona volanda biso, boka bola video oyo, pour ke bandeko o balanda ki biso, bakolanda biso o bazala tante balanda biso sima. Alors na kozonga na mwa video mususu peut-être leloté au courant de la semaine makambo mingi na yoki concernant la diaspora na zoka makambo mingi satire à balle réelle mais c'est triste na kozonga lango na mwa video au courant de la semaine peut-être. Alors portez-vous bien ezala ki ya binonde ko mwana meni Kongo ngudia kama kiyanjikola côté ma mère de Jean m'appelle toujours pour me dire mais pourquoi quand tu parles ya meni Kongo ngudia kama, oui ça c'est le souku en général, et pourquoi tu parles seulement Kianjikola, juste Mbwangongo, juste côté ton père, mais tu sais aussi, tu es chef coutumier côté maman. Buka Kipang, Banaba Buka Kipang Benbosu, Kiamboti. Voilà, donc je suis bi groupement. Donc, Mbwangongo côté papa, Buka Kipang. Mona Kiamfu, côté maman, Fumu Yombi, côté maman. Voilà, donc je vous salue. Et j'allais que je négligeais côté maman, non? Je négligeais parce que tous vous retrouvez dans Meni Kongo, vous retrouvez. On se retrouve tous là. Voilà, donc c'était moi, votre fils, votre petit-fils, votre petit frère, les Dragons Rouges. Et à tous les yombistes, na ko trahir bino jamais. Na ebisaka bino toujours bandeko na ngai. Surprise kozala. Boko kamwa. Je ne blague pas. Na ebisaka bino, je ne blague pas. Surprise kozala. Boko kamwa. C'est notre pays. Il faut te sauver yango. Allez. Portez-vous bien, week-end à Malam, Bolangwate, méditez toujours pour notre pays, priez pour nous, Onyon Sobasambelaka, s'il vous plaît, priez pour nous. Alors, Naba Obalingara Bisote, promesante, restez toujours comme ça, Tokutanaka Mokola Chipoy. Allez, merci, bye bye.